Elle me dit qu'elle est triste quand elle danse ivre. Elle me dit qu'elle est prise, mais son regard me dit vrai. Elle me dit tu fais le dur, mais dans le fond t'es doux. Elle boit si tu bêtis, viens dans le fond t'es doux. Elle ferme les yeux quand je nage, comme un coup de foudre, comme une étincelle. Son nom me suit quand je marche, et la nuit comme si nos cours n'étaient qu'un seul. Son corps me coupe le souffle, je peux pas me faire à l'idée. On s'aime de toutes nos souffrances, la réalité. Elle se noie dans un verre, je me noie dans le vert de ses yeux. Ce soir je rentre avec la tête à l'envers ses yeux. La nuit dans un silence, la lune me dit savoir. Chaque seconde est si longue, puis quand elle part j'oublie sa voix. Elle rigole à mes blagues, prend de la déplane. Elle attend que je la plaque contre le matelas. Cette brutalité t'entrée, son cœur m'a donné t'entrée. Bon, je lui ai vendu t'entrée, mon couronne elle est entrée. Mon Dieu, c'est une bombe. Quel scandale, elle me donne des frissons quand elle se cambre. Elle laisse faire que son charme se serre. Quand nos âmes se suivent et se serrent, je me noie dans son désir. Des heures, des heures. Le temps s'arrête ici, je m'en sors. C'est tout ce qu'il me faut. Je m'égare dans ces bras des heures. Je m'évade comme évader seul. Je m'éloigne moi de la voix des hommes. Quand ces formes se dessinent, c'est tout ce qu'il me faut. Ça passe, nos corps frissonnent de passion. S'il faut qu'on s'attache, comme emprisonne le jour de l'évasion. Ton reflet dans la glace, nous deux j'en fais des visions. J'ai prié dans la night, vers qu'on s'enfonce en contrefaçon. Hey, hey. Autant quand on baisse parce qu'on a peut-être plus rien à perdre. On se détruit quand on s'aime, une dernière fois fera l'affaire. Elle est parfaite et discrète, pas prête à tout pour un salaire. Pour moi elle montre à sa lèvre avec un rince à l'air. On est sous le porche, t'as plus de temps. Pas dernier baiser tendre, m'envoie sans plus de temps. On est sous le mort, la même qui prétendra piétiner son cœur, nos deux c'est puissant. Je dirais pas qu'on est pareil, juste qu'on est taré. Qu'on s'attire et qu'on s'est plus dans les pires et moi. Je m'entraîne, je prends les paris. J'ai compris depuis des années qu'elle seule creusera l'écart entre vous et moi. J'ai le flow et la technique et le mouvement de langue. J'pose, j'ai l'appétit et le mouvement lent. On a grandi, on s'est perdu, on s'est vu en grand. On s'est retrouvé, on s'attendait tellement depuis longtemps. Je me noie dans son désir, des heures, des heures. Le temps s'arrête ici, je m'en sors. C'est tout ce qu'il me faut. Je m'égare dans ses bras des heures. Je m'évade comme évadé seul. Je m'éloigne moi de la voix des hommes. Quand ses formes se dessinent, c'est tout ce qu'il me faut.